La curiosité, c'est fait pour apprendre. On est invité dans l'art de comprendre. Certains vont lâcher que ce n'est pas beau, mais curiosité n'est pas un défaut. Je vais découvrir les secrets d'alcôve, rugir de plaisir, devenir un fauve. Certains vont verser des larmes de puceau, mais curiosité n'est pas un défaut. Je veux regarder derrière les murailles, les escalader, leur livrer bataille. Certains vont se fâcher, tirer les rideaux, mais curiosité n'est pas un défaut. Je peux réussir, devenir plus sage avant de mourir, de tourner la page. Je voudrais crier par mons et par vos, la curiosité n'est pas un défaut. La curiosité n'est pas un défaut. La curiosité n'est pas un défaut.